est l'art dans tout ça? Il y a, chacun le sent et le sait, en tout cas dans la tradition occidentale, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de fondamental quand on met l'art au singulier et avec une majuscule. Quand on dit que quelque chose, une œuvre par exemple, une création humaine, relève de l'art, et parfois on le dit aussi pour certaines dimensions de nos vies, pour l'art de vivre, pour l'art de la cuisine, pour l'art de la table, pour un certain nombre d'arts qu'on relie aussi à des techniques des vivants tout à fait particulières. Il y a d'ailleurs, là, un problème philosophique classique, au fond. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle les beaux-arts et les autres arts? Quelle est la différence? Y a-t-il une différence même entre les arts et les autres techniques? Le mot grec qui désigne l'art et la technique, il n'y en avait qu'un en réalité, c'est le mot techné qui a donné justement technique, mais qui désigne aussi ce que nous appelons aujourd'hui les beaux-arts. L'art, c'est au fond le détour spécifique aux humains pour accomplir un but vital, pour accomplir une fonction vitale. La technique, c'est ce détour propre aux humains. Peut-être certains animaux ont-ils d'ailleurs des détours techniques aussi. Et par le biais de notre intelligence, eh bien, par exemple, nous construisons des lunettes pour améliorer la fonction de la vue. Et les arts passent par ces détournements techniques, même les beaux-arts, pour accomplir cette fonction vitale qui est celle de l'exclamation esthétique, dont on a vu l'importance, cette exclamation esthétique qui est de l'ordre de la beauté. On comprend pourquoi les esthétiques idéalistes veulent arracher les beaux-arts à la technique vitale. Elles pensent que le beau est au-dessus de la vie. Inversement, on comprend pourquoi les esthétiques, disons, vitalistes veulent ramener l'art dans les autres techniques. Au fond, ce problème n'est pas insoluble du tout. La véritable différence n'est pas peut-être entre l'art et la technique, mais dans chaque technique ou dans chaque art, entre ce qui est déjà acquis, déjà mécanique, déjà rodé, déjà inscrit dans une culture, et ce qui réellement même au plus petit degré, de quelque chose comme une création humaine qui introduit une nouvelle beauté dans le monde. Et cela peut apparaître peut-être dans les arts de vivre, dans les arts de la table, dans les arts de tous les jours, dans les arts et métiers, dans les techniques. Il y aura alors quelque chose comme de la beauté. Et inversement, dans les beaux-arts, eh bien, tout n'est pas forcément beau au sens de l'introduction d'une nouveauté absolue, d'une singularité créatrice. Car il ne faut pas oublier que l'esthétique, le beau, n'est pas seulement un objet de contemplation passive du monde que nous avons devant nous, des autres qui nous séduisent ou qui nous plaisent, mais aussi l'objet d'une création active de la part de celle ou de celui qui regarde et qui contemple, mais qui aussi produit, travaille sur ce sentiment extraordinaire qui nous relie à la vie et au monde et aux autres. Et au fond, au-delà de l'instrumentalisation sociale et politique, l'objet de l'art, c'est justement de retrouver, de recréer cette beauté singulière qui nous échappe parfois, de la recréer de manière individuelle et cette exclamation, de produire cette exclamation d'une manière inédite. Donc oui, cela peut apparaître dans tous les domaines, dans chaque technique vitale, mais avec cette petite pointe de plus d'une création singulière entre les humains, d'un ajout aussi à l'histoire du monde, à l'histoire des hommes, à la culture et pas seulement à la nature. Et de ce point de vue-là, il y a d'abord cette différence à l'intérieur de chaque technique vitale qui nous fait entrer dans l'histoire de l'art.